la cité m'a tiré dans tous les sens du terme. Assis là-bas, t'as pas idée des idées qui gèrent. Petit du matin au soir, plus grand du soir au matin. Pourtant là-bas, t'as beau attendre, mais rien ne vient. En tout cas, rien de bien honnête. Et c'est pour pas que vous vous inquiétez, que tant de fois on dit t'inquiète. On a tous été jeunes, mais pas au même endroit. Alors maman, écoute-moi, de pas comprendre tous les endroits. Un diplôme pour un emploi, j'ai pas compris ma chance. Les corrections n'étaient pas des erreurs, tu as perdu patience. Tu m'as dit, je veux plus te voir sur ce banc. Et justement, maman, c'est pour ça que je te mens. Pour y aller, je mets mes skates bas et des bas. Je suis la hape sur le terrain avec les noirs et les arabes. Faut que tu saches, on fait rien dans le but de vous faire honte. Mais il est souvent trop tard quand la police monte. J'en ai marre de mentir. C'est un détail de tout ce que j'aimerais te dire. Mais dégoûté, tu mettrais tes mains sur tes lèvres en te demandant si c'est bien moi que t'élèves. J'en ai marre de mentir. C'est un détail de tout ce que j'aimerais te dire. Mais dégoûté, tu mettrais tes mains sur tes lèvres en te demandant si c'est bien moi que t'élèves. Maman, je ne mens pas quand je dis que je t'aime. Même si je ne mène pas la vie que tu aurais aimé que je mène. J'ai goûté au goudron, coupage du cordon. J'attends de me mettre bien pour demander le grand pardon. 9 mois de prison, mon matricule était caloga. Et quand je suis sorti, la vie a commencé pour moi. Je regrette de tout mon cœur la misère que j'ai pu faire. Pour cette histoire de raquette, je pensais que j'avais eu du flair. Je mens plus, j'ai 25 ans, je suis responsable. Et je traîne avec les mêmes gens depuis le bac à sable. Une mère et un père, 3 petites sœurs. Je fais du rap, je dirais jamais que j'ai étranglé mon cœur. Elles sont moi, et moi je suis elles, elles me ressemblent. On a grandi ensemble en formation rebelle. Petite sœur belle, vous êtes les femmes de ma vie. La famille ne trahit pas, cet amour dure toute la vie. J'en ai marre de mentir. C'est un détail de tout ce que j'aimerais te dire. Mais dégoûté, tu mettrais tes mains sur tes lèvres en te demandant si c'est bien moi que t'élèves. J'en ai marre de mentir. C'est un détail de tout ce que j'aimerais te dire. Mais dégoûté, tu mettrais tes mains sur tes lèvres en te demandant si c'est bien moi que t'élèves. Maman, tous ces trucs que je t'offre sortent souvent d'un coffre. Excuse, j'y peux rien, c'est le style de vie d'un coffre. M'en veux pas, mais y'a rien à faire, alors dehors je me coince. Crois pas que j'aime pas tes petits plats. Et quand je rentrerai tard le soir, un petit pas, ou que je te dise avoir été. Ouais, j'étais chez Youssouf. Souvent j'y étais pas, j'étais encore juste là en bas. À regarder les passants, se demander si on a encore des repas. Tu comprends pas, j'ai l'impression de louper chose qu'elle quand j'y suis pas. Et pourtant quand on y est, on se demande qu'est-ce qu'on fout là. La violence, la police, les enfants, d'immigrer le vice. Je suis pas pire qu'un autre, mais je suis ton fils. La belle vie et le blé enchantent. Moi j'étais pas motivé par mon BEP vente. Et tous les midis à l'école où j'ai dû esquiver la team gang pour courir intercepter toutes ces lettres d'avertissement. J'en ai marre de mentir. C'est un détail de tout ce que j'aimerais te dire. Mais dégoûté, tu mettrais tes mains sur tes lèvres en te demandant si c'est bien moi que t'élèves. J'en ai marre de mentir. C'est un détail de tout ce que j'aimerais te dire. Mais dégoûté, tu mettrais tes mains sur tes lèvres en te demandant si c'est bien moi que t'élèves. La rue nous a cloisonnés, offert des cadeaux empoisonnés. Salmané quand t'es en classe et que tu penses casonner. Des clashs avec les profs au conseil de classe. Ma récompense du bulletin était toujours la paire de claques. Le Père Noël portait un boubou pastel. J'étais fou devant tes plats de ma fée et ceux de pastel. Élevé à la dure, au coup de fil électrique. Si je suis un homme en 2005, maman t'as tout le mérite. J'en ai marre de mentir. C'est un détail de tout ce que j'aimerais te dire. Mais dégoûté, tu mettrais tes mains sur tes lèvres en te demandant si c'est bien moi que t'élèves. J'en ai marre de mentir. C'est un détail de tout ce que j'aimerais te dire. Mais dégoûté, tu mettrais tes mains sur tes lèvres en te demandant si c'est bien moi que t'élèves. Non maman, sois pas triste, je suis juste un jeune de plus. Un jeune parmi tant d'autres de ceux qui courent se planquer quand on vous voit au loin. Pour pas que vous vous disiez qu'on est des galériens. Mais en fait c'est bien ce qu'on est maman. Même si je sais que ça te déçoit énormément. Décidément, maman c'est l'aimant. Décidément, maman c'est l'aimant. Rien d'intéressant. Assis là, je suis juste là seulement. Maman.